gazé, donc j'en ma copine cocu. L'amour c'est bien mais l'argent domine. Mon succès écarte les fesses, la meilleure pote de mon ex-copine. La drogue est ma tutrice illégale. Je vis ce que l'or, je crains jamais revers de médaille. De la vie, j'ai à quoi m'attendre depuis bien longtemps. C'est comme quand tu regardes ton compte, mais qu'il y a le même montant. Si t'es venu dire que tu t'en vas, fallait rester où t'étais. De toute façon, elle part toujours pour les mêmes raisons. Je dis pas que j'ai choisi l'enfer, mais comment s'envoler au paradis avec un cœur de plomb. Elle veut du love, mais n'est pas objective avec son physique. Je t'aime pas comme les histoires de la musique. Tout ce qui tue pas fait plus de pognon. Les histoires de cœur, c'est pour celles et ceux qui en ont. Je fais ce que j'aime au prix de faire ce que j'aime. Je me tire d'ici comme la vague de Kurt Cobain. Y'a pas de loyauté, y'a que des monnaies d'échange. Des fils de putain qui entre se mélangent. Je m'en bats les couilles de l'exemple que je donne aux jeunes. Je suis pas éducateur, fais tes sous et ferme ta gueule. Comme une route en diamant, veulent tous marcher sur moi. Je suis venu au monde en pleurant et chaque jour je comprends pourquoi. Dumps.